Ok, je vais m'arrêter. Ok, je vais me taire pour t'écouter. Pour ne rien rater de tes explications. Ok, je te promets, je n'ouvrirai pas la bouche pour te couper. J'aurais pourtant aimé avoir une discussion. Mais le temps passé auprès de toi, où j'ai pourtant fait tout ce que je pouvais, je crois, pour me faire aimer, aimer de toi. Ce temps n'a pas semblé joué pour moi. Vas-y, tu peux commencer, mais prends bien soin surtout de ne rien oublier. Je ne me fais plus aucune illusion. Tu peux tout me reprocher, parce que mon sort semble de toute façon scellé. Tu sembles déjà avoir pris ta décision. Pourtant le temps passé auprès de toi, où je croyais avoir fait tout ce que je pouvais, je crois, pour me faire aimer. Toi, je croyais avoir fait.